Allô, oui? Oh, c'est pas possible! Déjà? Oh, comme je suis contente! Et Marie, comment elle va? Oh Marc, ta femme accouche et toi, tu es fatiguée. Bon, mais parle-moi un peu de mon petit-fils. Il est comment? Il est gros?